vent s'étire sur les eaux calmes. Le bayou murmure ses vieux psaumes. La lyre ride ski lève la tête fière. Sur Twitch, les drops tombent en prière. Les lucioles dansent dans la nuit. Chaque souffle est un combat qui suit. Les racines plongent dans la boue épaisse. Chaque pas raconte une promesse. Marche silhouette obstinée dans l'ombre, dans sa voix est portée. Des éclats, des drops illuminent le noir. Sur Twitch, la foule répond à l'espoir. La guerre est lente, mais la foi brûle. Chaque instant forge la lutte qui pullule. Les voix s'élèvent en un chant sacré. Le gospel guide dans l'obscurité. Les mains se tendent, les cœurs battent fort. Dans chaque drop, un nouveau décor. Riders Guild veille gardien de lumière. Sur Twitch, la foi devient prière. L'union s'écrit au creux des champs. Dans cette nuit, les âmes. Le bayou gronde, Riders Guild fend l'air, défie le monde. Chaque drop brille comme une étoile. Dans la nuit, il garde la toile. Sur Twitch, la foule est un feu ardent. Chaque note est un serment. Le combat continue sans relâche. Dans cette nuit, la rage s'attache. On reconstruit des ruines anciennes. Chaque larme devient une rengaine. La foi s'élève, claire et profonde. Dans le gospel, la lumière abonde. Riders Guild marche, guide des âmes. Sur Twitch, il rallume les flammes. Chaque drop est un souffle nouveau. Dans cette nuit, un chant plus haut. Le bayou chante, la nuit s'enflamme. Dans le silence, on entend son âme. Riders Guild conduit les cœurs perdus vers l'aube claire des jours attendus. Les pas frappent la terre humide. Sur Twitch, la nuit est lucide. Chaque drop est un cri de vie. Dans ce combat, rien n'est fini. Les voix s'unissent dans la prière. Chaque note éclaire la lumière. Riders Guild avance, prêt à lutter. Dans cette nuit, rien n'a cédé. La lumière perce la brume épaisse. Gospel monte, puissant et vrai. Dans chaque voix, un cri de paix. La foi nous tient, jamais ne meurt. Dans ce son, la force demeure. Les ténèbres reculent, l'aube s'éclaire. Riders Guild chante fort et sincère. La force vit dans chaque voix. Dans cette nuit, il est la loi. La bataille rugit dans la cité. Riders Guild avance, jamais fatigué. Chaque drop est un cri de victoire. Sur Twitch, la foule chante l'espoir. Les voix s'élèvent, unies, puissantes. La musique est une arme brûlante. Le son unit, la force grandit. Dans cette nuit, la lune.